Cette fille est un enfer. Come on everybody, wake up, wake up, wake up. Come on everybody, wake up, wake up, wake up. Je ne suis pas idéaliste, mais si tu pars, c'est moi qui plonge en affaire. Ce que je préfère, mourir pour Hollywood. Sûr qu'un soir